c'est bon. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de commencer le cours, du livre العلم فضله وشرفه, une compilation de paroles de Ibn Qayyim rahmatullah alayhi sur les vertus et la valeur de la science. Donc on va parler de qui on prend la science. Donc succinctement, on va parler sur qui on prend la science. Donc on voit jusqu'à l'heure actuelle que les gens ne savent pas et n'ont pas encore vraiment saisi et compris comment on va prendre la science et où ils vont prendre de n'importe qui sans réfléchir. Donc ils vont prendre du premier venu, ou souvent aussi on va retrouver chez les gens du roulou, de l'exagération dans le fait de le prendre de personne, que si cette personne a une, par exemple une tesquia de telle personne bien précise ou il a khéli, avec de l'exagération, ou bien si même si elle aurait des tesquia, ils vont dire elle n'a pas la science suffisante. Et même si les gens la science suffisante lui viennent, ils ne vont encore pas venir. Ils vont dire je prends des kibars. Parce que ces gens-là espèrent, mais ils rêvent. Ils pensent que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont venir, vont être ressuscités ici sur terre afin qu'ils leur fassent cours. Mais ça, faut pas rêver. C'est pas possible. Donc, il y a alhamdoulilah une daura ilmiya qui se fait ici sur Paris. Et on sait que, donc on m'envoie des textes afin de dire qu'on est en train de se disputer. Il y a une fitna entre nous, donc regardez bien le mot. Il y a une fitna entre nous. Est-ce qu'on peut écouter ces gens-là? Est-ce qu'ils ont une tesquia? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc les quatre personnes qui vont faire cours à Paris, ce ne sont que des cours. Vous acceptez les cours de ceux qui étudient même pas, qui n'ont pas spécialement étudié et qui font des mini-daura et qui font des choses dans leur ville, sur Paris. Vous vous asseyez chez eux. Mais ceux qui sortent de l'université de Médine, je ne sais pas ce qui se passe, vous acceptez pas. On se demande pourquoi. Donc vous avez le frère Saad qui est sorti de la Jamia Islamia, Kulat Hadith, il est sorti il y a 2 ans. Donc il est habitué déjà, donc il est sorti, donc ça veut dire qu'il a déjà son diplôme, donc ça veut dire qu'il a de l'expérience, il a de la science, et ce diplôme lui permet, le diplôme de la Jamia lui permet, Alhamdulillah, c'est un salafi déjà, Alhamdulillah, Nahsebu Kadalika, Wala Nuzaki Alallah Ahada. Et il n'est pas obligé qu'il soit connu dans le monde entier afin qu'il puisse donner cours. Ça, ce n'est pas le but d'être connu. Donc, les personnes comme Saad, qui ont terminé la Jamia, peuvent et ont la capacité d'enseigner. Et je sais que ceux qui vont profiter de ces gens-là seront contents. Est-ce qu'ils ne profiteront pas qu'ils sachent que c'est parce que Allah leur a interdit la science? Car Allah, lorsqu'il veut du bien de quelqu'un, il lui fait comprendre la science. Et quand Allah ne veut pas du bien de quelqu'un, il ne lui fait pas comprendre. Et parmi les façons de ne pas comprendre la science, c'est justement de ne pas y aller. Après, il y a le frère Abbas. Je sais que certains d'entre vous le connaissent déjà parce qu'il a déjà fait la daoula de Paris cet été. Et qui a profité, donc même si son cursus n'a pas été terminé à l'université, mais il est quand même resté plusieurs années. Il a aussi dans la daoula de l'expérience. Il a de la science. Et c'est un salafi qui revient, alhamdoulilah, au Coran et à la Sunna, à la fin de Salaf. Après, vous avez aussi le frère Souleyman, donc celui-là est de Paris, c'est facile de retrouver pour ceux qui sont de Paris. Donc le frère Souleyman qui est donc de Bobigny. Et lui, c'est un élève particulier de Cheikh Mohamed Ben Hadi. Cheikh Mohamed Ben Hadi, donc lui permet d'enseigner Cheikh Mohamed Ben Mahdi lui permet d'enseigner, et c'est pour ça qu'il a commencé à faire des cours à un moment donné avec nous sur Pal Talk, dans la Repère de la Sunna, parce que c'est quelqu'un de niveau. Et après, vous avez le frère qui s'appelle Abou Bakar. En ce moment-là, c'est vrai que personnellement, je le connais moins, mais je sais qu'il est en quatrième année. Et je sais bien que des frères comme Souleymane et les autres frères ne les auraient pas laissés faire si c'était des gens qui n'étaient pas bien. Donc moi, ou bien d'autres, si on ne connaît pas certaines personnes, mais quand on voit une personne au milieu et entourée de personnes qui sont bien, on le considère comme ceux qui sont bien. Parce que ces gens-là sont à même à savoir qui est bien ou qui n'est pas bien. Donc, alhamdoulilah, à partir du moment que nous, on n'est pas des étudiants chez qui on enseigne, lorsqu'on enseigne chez vous, si on vous dit d'aller voir les gens, on ne va pas vous envoyer au feu, on ne va pas les envoyer à la fournaise. Croyez-vous que peut-être ceux qui croient, ceux qui, soi-disant, disent « moi je fais attention de qui je prends », si tu sais que quelqu'un qui enseigne, à qui t'en confiance, s'il te le dit d'aller chez eux, fais-lui confiance, peut-être que lui est encore plus assidu, et encore justement, il fait encore plus attention que toi, peut-être, parce qu'il y a plus de, des fois il y a plus de sens que toi, cette personne-là, il connaît mieux que toi, la da'wa, il a plus d'expérience que toi, donc lui, il sait plus que toi, est-ce que cette personne est à même ou pas à même, donc ne crois pas, justement, donc il ne faut pas, des fois, et des fois les gens tombent même dans le piège, dans certaines da'wa ilmiya qui est faite par les chouyours, alors ils trouvent, là, ils vont trouver Cheikh Souhaimi, Cheikh Obed, Cheikh Mohamed Ben Hadi, Cheikh Ibrahim, Cheikh Souleyman, Cheikh Abdelsalam Souhaimi et d'autres, Cheikh Abdelaziz Kahbad, ils vont trouver un ou deux qu'ils ne connaissent pas. Ils doutent. Croyez-vous que tous ces chouyours vont prendre un hizbi avec eux pour faire un daura al-miya? Croyez-vous qu'ils vont se mélanger avec les hizbi pour faire un daura al-miya? Vous n'avez même pas à poser la question. Le fait qu'il y ait avec eux, ça suffit. C'est un qarin. C'est ce qu'on appelle un qarin. Donc c'est quoi? C'est un proche. C'est un semblable. C'est quoi? C'est un semblable. Dans l'ilm, inshallah, et même dans le menhaj. Donc dans l'ilm, et aussi, bien sûr, dans l'aqidah, surtout, dans quoi? Dans son menhaj, sa religion, son tawhid, dans tout. Alors comment les gens peuvent avoir, justement, ce genre de roulou? Il ne faut pas avoir du genre de roulou dans ça, et surtout pas se disputer, et faire comme on voit, comme on reçoit des lettres, où c'est écrit, on se divise, on fait la fitna, hein, on se retrouve dans une fitna, encore une fois, téléphonez au chour et renseignez-vous. Cheikh Abdelmik, c'est lui qui va faire la muqaddima d'après ce que j'ai entendu. Donc Omar, téléphonez à Cheikh Abdelmik, demandez-lui si vous n'êtes pas à l'aise. Mais ne vous disputez pas, ne vous empressez pas à faire des hukm. Qui vous êtes pour faire des ahkam shari'a? Qui, de quel niveau avez-vous pour vous disputer, pour faire ceci, pour faire cela? C'est-à-dire, après, ce que vous faites, vous avez juste quoi? La haine, ou bien vous détestez les uns les autres pendant 5 ans, pendant 10 ans, pour une salat qui, en vérité, qui peut être réglée au bout de 2 minutes, qui peut être réglée avec une seule question. Il suffit de demander simplement. Donc, demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et là, subhanallah, ça c'est un problème qui est typique à la France. Même ceux qui étaient comme les Français avant, les Anglais, les Américains, ils ont quitté ces histoires-là. Donc, quittez ce genre d'histoire et revenez au bon comportement. Et revenez au bon comportement dans le Talab al-Ilm. Parce que même ceux qui aiment se disputer, laissez-les. Vous savez pourquoi? Parce que, wallah, même quand ils savent qui sont bien comme frères, ils ne vont pas chez eux. Wallah, c'est que pour se disputer. Donc, sachez cela. Sachez que ces gens-là, c'est que pour se disputer, c'est que pour dénigrer les gens, un point, c'est tout. Et les gens, hein, comme on dit, les chiens, ils aboient et la caravane, elle passe. Il faut laisser crier. Les gens continuent à apprendre votre religion avec les gens qui sont bien. Et alhamdoulilah, vous aurez quoi? Vous profitez. Parce que la vie, elle est courte. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Si c'est pour mourir avec que des disputes, qu'est-ce que vous allez avoir devant Allah comme Hujja? Qu'est-ce que vous allez avoir devant votre Seigneur comme justement Hujja? Donc, alhamdoulilah, quand il y a des gens qui sont bien et qui font les efforts d'apprendre leur religion pour enseigner aux frères, profitez-en. Barakallahu fikoum. Salamu alaykoum wa rahmatullah. Donc, on est arrivé par rapport à notre livre Al-Waj, Al-Hadi wa Thalathoun. Donc, nous sommes au 31e point. Al-Fiqhu fi d-Din min alamat al-Khair. Donc, la connaissance de la religion fait partie des signes du bien. Donc, c'est des signes du bien. Amma fi sahihain min hadith Muawiya radiallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا فيفقه في الدين وهذا يدل على أن من يفقه في الدين لم يريد به خيرا كما أن من أراد به خيرا فقهه في الدين ومن فقهه في الدين فقد أراد به خيرا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير، وعلى الأول يكون موجبا، والله أعلم. Donc, 31e point, la science dans la connaissance de la religion fait partie des signes du bien. Il y a un hadith qui est rapporté dans les deux sahih, où Muawiya radiallahu anhu rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui dont Allah veut du bien, il lui fait connaître la religion. Et cela est une preuve que celui dont Allah ne veut pas de bien, il ne lui fait pas connaître. Et donc celui dont Allah n'aura pas fait connaître la religion, c'est parce qu'il ne lui veut pas du bien. C'est parce qu'il ne lui veut pas du bien. Comme aussi celui dont Allah veut du bien, il lui fait comprendre cette religion. Et celui donc qui aura compris cette religion, c'est parce que Allah justement aura bien sûr a voulu de lui du bien. Et celui, et bien sûr cela, donc qu'est-ce que veut dire le bien, c'est-à-dire le fiqh, la connaissance et la compréhension de la religion, cela signifie la science qui va amener à l'acte obligatoirement. C'est la science qui va être suivie d'actes. Mais si la personne vient à apprendre la religion, tout simplement, et que bien sûr, elle n'aura pas mis cela en œuvre, donc ça veut dire qu'Allah n'aura pas voulu de bien de lui, même s'il a tout appris. Non, il est possible, donc il y a, parmi donc les personnes les plus connaisseuses, hein, celles qui connaissent le mieux, par exemple l'Ahkam al-Tajwid et tout ce qui est dans le Coran, des soufis, des grands soufis, des gens qui ne connaissent pas la religion, et pourtant ils ont le Coran par cœur, ils savent revenir avec le Coran là où ils veulent. Hein, ils ont des ahkam, ils ont des riwayat, ils ont des asanid parmi les plus importantes au monde. Pourtant ce sont des soufis. Et ces gens-là donc ont le Coran, et pourtant regardez bien, ils apprennent même des fois des hadiths par cœur, dans certains pays asiatiques, comme au Pakistan, en Inde et tout, et pourtant ce sont des gros soufis. Et ils ont pourtant cette science, ils ont appris, mais simplement ils ne mettent pas en application. Donc, la connaissance de la religion, c'est une, hein, donc le faire fédine, le fait de comprendre et de connaître la religion, c'est quoi? C'est une condition pour la volonté du bien. C'est-à-dire que il est possible que tu vas apprendre par cœur, mais si tu n'as pas compris et si tu ne mets pas en application, c'est-à-dire que tu n'auras pas reçu ce bien qui est justement... Donc le fait de comprendre et le fait de mettre en application, c'est une condition pour que ce bien, soit c'est-à-dire accepté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que celui dont Allah veut du bien, il lui donne quoi? Une condition. Il lui demande une condition. C'est yufaqihu. Ça c'est la condition, c'est un shart. Donc on a vu le 31e point. الواجب الثاني والثلاثون العلم كالغيث. La science est comparable à la pluie qui est abondante, à la bonne pluie. ما في صحيحين أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلا ما بعثنا الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعثب والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى وإنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في الدين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به الحديث. Donc il est aussi rapporté dans Al-Bukhari Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc dit que je suis l'exemple, donc je suis comparable à ce, c'est-à-dire comme Allah Azza wa Jalla m'a donc envoyé avec la guidée et la science, Donc il a aussi descendu une pluie. Donc ça, c'est une comparaison, c'est un exemple. Donc c'est l'exemple d'une pluie qui a touché une terre. Asaba al-ard. Et asaba, ça veut dire qu'elle a touché la terre en a profité. Donc ce n'est pas la pluie qui risquerait de venir pendant quelques minutes et après, quelques temps après, même hein, peut-être une heure après, c'est comme s'il n'avait pas plu. Non, c'est une terre qui a, ça veut dire, accueilli et qui a quoi? Qui a gardé cette eau. Fakan, donc il y a, bien sûr, il y a un groupe, hein, ou bien il y a, c'est-à-dire une partie de cette terre qui est bien, qui a gardé donc cette eau, qui a accepté cette eau, et elle a fait pousser donc toutes sortes d'herbes, hein, toutes sortes de tous ceux, bien sûr, qui poussent hein, dans cette terre, sur cette terre. Donc tout ce qui est bon a poussé par rapport à cette terre. Et il y a aussi, bien sûr, dans cette terre, donc comme des puits, hein, donc des puits, c'est-à-dire des, il y a des endroits. Donc comme des puits qui ont quoi? Qui ont gardé aussi cette eau. Non seulement il y a des puits qui ont gardé cette eau, et en plus cette terre a fait pousser ce qu'il faut. Et Allah en a fait profiter aux gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala en a fait profiter aux gens. Et ils ont bu de cette eau. Et ils se sont abreuvés de cette eau. Et ils ont aussi. Donc, ils ont aussi semé avec cette eau. Ils ont semé avec cette eau. Et cette terre, donc, a fait pousser à un groupe de personnes. Donc cette eau qui a touché aussi donc, une autre terre, un autre groupe de personnes. Et cette terre, elle est donc Qiyan. C'est une terre qui est plate, légèrement renfoncée. C'est une terre qui est plate, légèrement renfoncée, celle qui est justement comme au paradis. C'est une terre qui est plate, mais qui est légèrement renfoncée. On la trouve aussi au paradis, mais bien sûr, c'est pas le même rôle. Elle n'aura pas le même rôle ici. Mais parce que cette terre-là, elle ne prend pas l'eau. Elle ne garde pas l'eau. Et bien sûr, et rien, donc l'eau ne reste pas sur cette terre, elle n'arrive pas à rester. Donc rien ne pousse. Et ça, c'est comparable à celui qui quoi? Qui connaît et qui donc, comprend la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui en profite hein, de ce que Allah azawajal subhanahu wa ta'ala donc, a révélé. Donc qu'est-ce qu'il a fait après cela? Il a enseigné, donc il a appris et enseigné. Il a appris. Et il a enseigné. Toujours on voit de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on avait aussi, comme on avait aussi auparavant avec le Coran, qu'il apprend, puis il enseigne. L'ilm, qabla al-qawl wa al-amal, l'ilm. Donc il apprend, puis il enseigne. Donc celui-là est comparable à celui qui ne lève pas la tête, c'est-à-dire à celui qui ne prête pas attention à cette science. Et n'accepte pas la guidée d'Allah avec laquelle je suis venu. Comme il dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'accepte pas la guidée d'Allah avec laquelle je suis venu. Donc le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Fashabbaha sallallahu alayhi wa sallam al-ilma wal-huda alladhi ja'a bihi bil-ghayth lima yahsulu bi kulli wahidin minha min al-hayati wal-manafi'i al-aghdiyati wal-awdiyati wa sa'il al-masalih al-ibad fa'innaha bil-ilm wal-matar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait ressembler la science et l'a guidée avec donc avec ce qui est venu avec la pluie. La science et la guidée, c'est ce qui est venu avec la pluie. Et que tout cela, que cette science et cette guidée vont faire naître. Et vont faire naître. Il y aura quoi? Il y aura la vie. Donc il y aura la vie de cette terre. Parce qu'on profite de cette terre. On retrouve des puits où on profite de cette eau. On retrouve des herbes qui nous sont profitables. Donc on retrouve tout ce qui est profitable comme nourriture et aussi bien sûr et comme rivière, l'Aoudia, donc comme rivière et tout ce qui est bon est profitable pour bien sûr les bénéfices des serviteurs. Et elles sont bien sûr avec la science et quoi? El matar. Elles sont avec la science et la pluie. Donc là on retrouve avec, c'est-à-dire que cette science est comparable à quoi? À cette pluie. Et naam, et on verra que rien ne peut être, rien ne va tenir. La vie ne sera pas, n'existera pas. La vie de toute chose n'existera pas que s'il n'y a pas de science et s'il n'y a pas de pluie. Sans science et sans pluie, il n'y a pas de vie. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. Puis il a donc classer les personnes en trois types. On retrouve trois types de personnes. Donc on va retrouver trois types de personnes par rapport à ce hadith, hein, selon bien sûr leur acceptation et leur préparation, c'est-à-dire leur capacité à apprendre par cœur cette religion, à apprendre cette religion et à comprendre ses sens. Donc il y a l'apprentissage plus la compréhension. Et aussi le fait de pouvoir régler, le fait de pouvoir comprendre, c'est-à-dire les règles, hein, des statuts, c'est-à-dire des règles religieuses. Est-ce que cela est halal? Est-ce que cela est haram? Et aussi le fait de ressortir les sagesses et les bénéfices que l'on retrouve dans certaines paroles, dans certains versets, dans certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans ces paroles-là. Donc il dit, Ahaduha, l'une d'entre elles, Ahlul Hifz, wal Fahmi, alladina hafizuhu wa aqiluhu. Donc la première catégorie, c'est les gens qui ont appris et qui ont compris. Ceux qui ont appris, qui ont bien sûr raisonné. Hein? Donc ils ont raisonné avec le. Donc justement, ils ont raisonné, bien sûr, hein, par la compréhension. وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه. Donc ils ont appris ses sens et bien sûr ont pu, c'est-à-dire bien ficeler, si on peut dire ça comme ça, ils ont bien ficelé toutes les facettes des règles, hein, et des sagesses et des bénéfices que l'on retrouve bien sûr dans les paroles du Coran et de la Sunna. فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء. Ces gens-là, donc c'est bien sûr, on reconnaît que on voit qu'on parle des gens de science, sont comparables et sont du niveau de cette terre qui a accepté cette eau. وهذا بمنزلة الحفظ. Donc le fait de retenir l'eau, c'est quoi? C'est comparable au hifz, à le fait d'apprendre par cœur, le fait d'apprendre. Donc le hifz, c'est comparable à l'eau qui est restée, l'eau qui a été retenue par cette terre. فأنبتت الكلى والعشب الكثير. Et qui a fait pousser, bien sûr, donc, tout type d'herbes, hein, qui sont nombreuses, donc abondamment, ou tout type d'herbes, ou plusieurs types d'herbes. وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط. Donc ça, c'est quoi ce qui pousse, cette herbe qui pousse? C'est la compréhension, la connaissance et le fait de savoir. Istinbat al-ahkam, c'est-à-dire le fait de savoir par un récit. Est-ce que cette règle, est-ce que cette chose est halal? Est-ce qu'elle est haram? Est-ce qu'elle est obligatoire? Est-ce qu'elle est sunna? Est-ce que comment elle se fait? Est-ce qu'elle fait partie des masalih? Elle fait partie des bénéfices ou pas? Donc c'est toutes les ahkam shari'a qui existent. Fa innahu bi manzilati imbat al-kala'i wal-'ushbi bil-ma. Et aussi donc cela parce que c'est justement du niveau du fait que cela pousse à partir de l'eau. Donc pourquoi ça pousse à partir de l'eau? L'eau, c'est la science. Et cette science, elle montre ses fruits. Elle va montrer quoi? Elle va montrer ses fruits qui sont justement la compréhension. La compréhension de la science, c'est justement donc le fruit de cette science. فَهَذَا مِثْلُ الْحُفَّاظِ الْفُقَهَا. C'est comme ceux qui apprennent par cœur et qui comprennent. الْحُفَّاظِ الْفُقَهَا. On sait bien que, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait justement dans cette communauté الْحُفَّاظ, comme l'imam al-Bukhari, comme d'autres qui connaissaient, donc qui ont appris par cœur, hein, les grands imams, comme l'imam Ahmed, le Shafi'i et d'autres qui connaissaient les choses par cœur et qui comprenaient très bien les choses afin de pouvoir enseigner à ceux qui sont venus après. Et nous, alhamdoulilah, même si on vient 1000 ans après ou d'autres, on profite de ce qu'ils nous ont compilé. On profite de ce qu'ils nous ont compilé, de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et de comment a œuvré les compagnons du prophète et tous les salafs qui étaient pas sûrs passés avant eux. Arhamahumullah. Wa ahli riwaya wa diraya. Et voilà bien sûr comment les gens doivent être. Ahlul riwaya wa diraya. C'est-à-dire qu'ils connaissent les chaînes de transmission et ils comprennent ce que ce hadith veut dire. Riwaya, donc vous connaissez le riwaya, donc c'est la chaîne de transmission. Wa diraya, c'est le vouloir dire. Ce qu'a voulu dire, justement, hein, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce hadith. Ce qu'a voulu dire Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce verset. Donc on a vu pour la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه، ولم يرزق فيه فهما خاصا من عن الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا من في كتابه. رواه البخاري. Donc la deuxième catégorie de personnes, c'est les gens qui apprennent. Allah Azza wa Jalla leur a octroyé ce hifz, hein, le fait d'apprendre par cœur. Et ils ont bien sûr aussi, donc ils ont appris, ils savent le propager, et ils savent le copier, c'est-à-dire ils savent aussi, donc ils ont le dapt, ils apprennent par cœur. Donc ils savent le mot, il ne sera pas changé, ils vont l'apprendre comme il a été révélé, sans bien sûr altérer le mot. Mais simplement, ces gens-là n'ont pas reçu de la part d'Allah Azza wa Jal la compréhension de ses sens, ni le fait de pouvoir juger, ni le fait de pouvoir ressortir toutes les facettes de sagesse et des bénéfices par rapport à ces textes. Donc ces gens-là sont comparables ou sont du niveau de ceux qui lisent le Coran, qui l'apprennent par cœur, qui font attention, c'est-à-dire aux règles de Tajwid, aussi aux règles de grammaire, donc ils n'altèrent pas, c'est-à-dire la parole en elle-même, ils n'altèrent pas, c'est-à-dire le mot reste comme il est venu, à son origine, mais simplement ces gens-là n'ont pas, c'est-à-dire justement cette compréhension qui provient de la part d'Allah. Comme le dit Ali ibn Abi Talib, donc il dit, sauf une compréhension dont Allah donne à son serviteur dans son livre. Donc, sauf une compréhension octroyée par Allah à son serviteur dans son livre. Donc là, on voit qu'il faut elle ferme, comme le dit Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت. فرب شخص يفهم من الناس حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر مئة أو مئتين. Et bien sûr, les gens sont différents. Donc les gens ont des degrés différents de compréhension dans le fait de comprendre ce que Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont voulu dire. Donc il y a des fois une énorme différence dans la compréhension. Car il est possible qu'une personne va comprendre un texte, ou bien le statut d'un texte, ou deux statuts. Donc il va savoir que en lisant, il va comprendre que cela est halal, que cela est haram. Il va comprendre très peu de choses. Et il est possible aussi qu'un autre, bien sûr, va comprendre 100 ou 200 textes différents. Donc on voit qu'il y a une large différence entre même deux personnes. فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به وهذا يشرب منه وهذا يسقي منه وهذا يزرع. Et ceux-là sont du niveau de la terre qui garde l'eau pour les gens, hein, qui protège l'eau pour les gens, et les gens en profitent de cette terre. Donc profitent de cette terre. Celui-là boit, hein, de cette terre. Celui-là donc va s'abreuver de cette terre et celui-là va semer. Avec, bien sûr, avec, donc, par rapport à cette eau. Celui-là va boire de cette eau, celui-là va s'abreuver. Donc il va abreuver de cette eau, bien, il va abreuver pendant ses animaux, par exemple. Et l'autre, bien sûr, va semer avec les eaux de cette terre. Donc ces gens-là, ces deux catégories, sont eux les bienheureux. Non, mais sont eux les bienheureux. Tout en sachant que c'est pas possible que tout le monde soit savant. C'est impossible. Vous savez bien que les savants sont largement minoritaires. Les savants seront peu nombreux par rapport à la communauté musulmane. Ils sont largement minoritaires. فَالْأَوَّلُونَ أَرْفَعُ دَرَجَةً وَأَعْلَى قَدْرًا. Les premiers, bien sûr, ont des degrés les plus hauts et ont aussi, bien sûr, c'est-à-dire le statut le plus noble. Et donc, ils ont le statut le plus important et le plus noble. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Jumu'ah, Surat al-Vendredi, verset 4. Surat al-Jumu'ah, وعليكم السلام ورحمة الله. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل عظيم. سورة الجمعة verset 4. Certes, le bienfait d'Allah. Donc certes, voici le bienfait d'Allah. Il le donne à qui il veut et Allah a donc un bienfait qui est illustre, qui est énorme. Allah a le bienfait qui est énorme. سورة الجمعة verset 4. Donc telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Troisième catégorie, el qismu thalith. Alladina la nasiba lahum minhu. Wala la hifdan, wala fahman, wala riwayatan, wala dirayatan. Bel hum bimanzilatil ardi allati hiya qi'anun. La tumbitu, wala tumsikul ma. Fahaulai hum al ashqiya. La troisième catégorie de personnes est celui qui n'a aucune part dans ce qu'on a vu auparavant. Ni l'apprentissage par cœur, ni la compréhension. Donc ni par la chaîne de transmission et ni aussi par le fait de, bien sûr, de comprendre les choses. Donc ces gens-là sont comparables à la terre qu'on appelait Qi'an. Hein, on a bien dit que cette terre qui est Qi'an, elle est autre que la terre qui est Qi'an au paradis. Celle qui est Qi'an au paradis, elle sera profitable. Et pousse de cette terre du paradis celui qui dit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Donc pousse hein, dans cette terre ce qui dit ces paroles-là. Donc cette parole ne va rien faire pousser et aussi elle ne va rien retenir comme eau. Elle ne va pas retenir l'eau. Et ceux-là, ben, sur cette catégorie de personnes, ce sont les malheureux. Wal qisma al-awwalani ishtaraka fil ilmi wa ta'lim. Donc les deux premières catégories sont associées dans la science et l'apprentissage et le fait d'enseigner. La science et l'enseignement. Mais chacun, bien sûr, selon le niveau qu'il a eu, selon le niveau qu'il reçoit. Donc lui, il apprend, hein, donc il enseigne les lettres du Coran et bien sûr l'apprend. وَهَذَا يُعَلِّمُ مَعَانِيَهُ وَأَحْكَامَهُ وَعُلُومَهُ. Et lui aussi, donc il apprend hein, ses sens, donc l'autre il apprend ses sens, ses règles et c'est bien sûr ses matières. الْقِسْمُ الثَّالِثُ, le troisième catégorie, لَا عِلْمَ لَهُ وَلَا تَعْلِيمُ. Ni science et ni apprentissage. Ni enseignement, ni science, ni enseignement. فهم الذين لم يرفعوا بهدي الله رأسا ولم يقبلوه فهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار. Ces gens-là sont ceux qui n'ont pas, donc ils n'ont, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas profité et qui n'ont pas, c'est-à-dire suivi la guidée d'Allah. Donc ils n'ont pas en fait prêté attention à la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne l'ont pas accepté. Et ces gens-là sont pires que les animaux, que les bestiaux, et ce sont eux justement qui seront donc les combustibles de l'enfer, du feu. Ils seront les combustibles du feu. فَقَدْ اشْتَمَلَ هَذَا الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ الْعَظِيمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الشَّرَفِ الْعِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ وَعِظَمِ مَوْقِعِهِ وَشِقَاءِ أَوْ شَقَاءِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ. Donc ce hadith comprend et comporte l'honorabilité ou l'illustre place. Parce que moi j'ai dit tout à l'heure ala nabih, c'est ala tambih afwan. Donc hein, donc je recommence la phrase. Faqad ishtamala hadha al-hadith al-sharif al-azim wa ala tambih ala sharaf al-ilm wa ta'lim wa 'izmi mawqi'ihi wa shaqa'i man laysa min ahlihi. Donc ce hadith comporte l'honorabilité qui est énorme et illustre hein, donc justement de cette science et aussi donc il nous pousse à faire attention à justement à quoi, à prêter attention à l'honorabilité de la science et aussi de son enseignement et aussi de sa place hein, et aussi de sa place. Donc elle est placée, elle n'est pas placée n'importe où. C'est pas la science, c'est pas quelque chose qui reste dans les placards par exemple, c'est pas quelque chose qui est à rejeter, qui doit rester dans les placards, si on pourrait dire ça comme ça. Et aussi ce hadith donc montre par la suite donc c'est à dire donc la malheureuse place de ceux qui ne sont pas, qui ne font pas partie de ces gens-là, c'est-à-dire les gens de science. وَذَكَرَ أَقْسَامَ بَنِي آدَمَ بِنِسْبَةِ فِيهِ إِلَى شَقِيِّهِمْ وَسَعِيدِهِمْ وَسَقِيمٍ سَعِيدِهِمْ إِلَى سَابِقْ مُقَرِّبْ وَصَاحِبْ يَمِينْ مُقْتَصِدْ. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, il a aussi bien sûr donc divisé les gens hein, en malheureux et en heureux, et aussi donc et ceux qui sont heureux sont sabiqun bil khairat et aussi al-muqtasid, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il parle justement, donc, dans, je crois que c'est dans Surat Fatir, hein, verset 32, dans Surat Fatir, verset 32. Donc, bien sûr, il ne fait pas partie du livre, mais c'est pour montrer que Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Donc, Allah Azza wa Jalla déjà divise les gens, mais rien que pour les croyants. Puis nous avons, c'est-à-dire nous avons, donc Allah Azza wa Jalla a donné, ou Allah Azza wa Jalla a placé en héritage, en ses serviteurs, donc justement ce livre, hein, c'est-à-dire parmi ses serviteurs et parmi ses serviteurs, donc ils étaient divisés en trois. Ça, c'est les musulmans. Les musulmans sont divisés en trois. Zalimun nafsihi, celui qui commet des injustices envers lui-même, c'est-à-dire que ses sayyi'at, ses péchés sont plus nombreux que ses hasanat. Et après, al-muqtasid, hein, c'est-à-dire que celui-là, il fait les bonnes actions, il fait aussi les mauvaises actions. Il fait les wajibat, mais aussi des fois il fait les grands péchés, il fait les petits péchés. Il fait les sunnah, il fait aussi, donc il fait aussi de, donc il rentre un peu dans tout. Mais il est muqtasid. Et après, celui qui sabiqun bil khayrat, et celui qui sabiqun bil khayrat, c'est-à-dire celui qui s'empresse, et celui qui veut être le premier dans tous les, dans tout ce qui est bien, et lui, il commet donc les œuvres qui sont obligatoires et les sunnah, et il s'éloigne de ce qui est détestable. Il commet, hein, il va, donc il va laisser ce qui est douteux, même alors que c'est même pas, c'est makruh, c'est pas haram. Et aussi, il s'éloigne des grands péchés, donc il ne fait pas les grands péchés, et aussi c'est loin de ce qui est, donc ce qui est makruh. Et tandis que l'autre, il va faire le fard et il va faire aussi les sunnah. Naam. Donc voilà celui qui sait qu'on be khairat. Donc comme ici le verset dit, ensuite nous fîmes les héritiers du livre, ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. En plus, ils ont été choisis par Allah. Et parmi eux, il y en a qui font du tort à eux-mêmes, justement par leur péché, et d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne. Donc ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Donc la foi, elle monte, elle descend facilement, mais ils sont quand même mortasidoun. Et après, ceux, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par les bonnes actions. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de sabiqun bil khayrat, ils appellent ça al-muqarraboun, al-muhsinoun. C'est bien sûr en premier lieu les prophètes et après les compagnons du prophète, hein, de tous les prophètes. Ce sont les prophètes et les compagnons. Et à leur tête, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa fihi dalalatun ala anna hajat al-ibad ila al-ilm ka hajatihim ila al-matar. بل أعظم وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. Donc cela est une preuve évidente que le besoin du serviteur envers la science, que le besoin de la science, c'est-à-dire que le besoin du serviteur pour la science est comme leur besoin avec de, hein, pour l'eau, pour la pluie, pour l'eau. Qui peut vivre sans eau? Combien de temps? Il n'y a plus d'eau sur terre maintenant. Hein? Il n'y aura plus de pétrole, ça sera moins, beaucoup moins grave. C'est beaucoup moins grave qu'il n'y ait plus de pétrole que plutôt qu'il n'y ait plus d'eau. Ça, là. S'il n'y a plus d'eau, comment on fait? Combien de temps on tient? Comment on fait? Et cela est même encore plus important, le fait d'avoir la science. Mais Adam, c'est encore plus important que l'eau. La science est plus importante que l'eau. Et c'est pour ça qu'on voit que celui qui a perdu la science est comparable à celui et à la terre, et bien sûr qui a perdu cette eau. Et l'imam Ahmed, il dit, Rahmanullah, الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. Imam Ahmed dit, rahmallah, les gens ont besoin de la science, ont plus besoin de science qu'ils ont besoin de nourriture et de boisson. Il dit pourquoi. لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين. Car la nourriture et la boisson, on en a besoin par une ou deux fois par jour. Donc les gens vont se dire, maintenant on en a besoin quatre fois. Hein, le petit-déj, le midi, le 4 heures et le soir. Voir pourquoi pas, et entre deux, on n'oublie pas de grignoter. Hein, donc ça fait peut-être sept fois pour certaines personnes. On peut arriver à sept. Regardez ce qu'il dit l'imam Ahmed, il dit une ou deux fois. Et il dit qu'une fois, c'est justement la nourriture des salihin. Regardez comment on a changé, regardez comment on a disparu. Regardez comment nous, on n'a plus rien à voir avec. Il disait que c'est la nourriture des salihin une seule fois. Et la science, on en a besoin autant de fois que l'on respire, que l'on va prendre une respiration. Combien de respirations on fait par jour? Des milliers, on ne peut pas les compter. Tout ce qu'on fait, on a toujours besoin de science. Tu vas marcher, il y a peut-être des choses que tu peux regarder, tu ne peux pas regarder. Tu vois, on va te poser une question peut-être. Hein, tu sais, alors peut-être que tu sais pas répondre. Il va te falloir un savant, il va falloir de la science. Tu vas faire ça, tu vas acheter. Est-ce que tu as le droit de l'acheter ou est-ce que tu n'as pas le droit de l'acheter? Il va se passer quelque chose dans ton achat, tu sais pas. La personne va te dire, je te vends de l'or tout de suite. Là, c'est un exemple de 100 euros. Toi, tu dis, moi j'ai que 100 euros. Je te donne 100 euros, je vais chez moi, je reviens, je te donne 100 euros encore après. C'est haram. Pourtant, les gens, peut-être qu'ils savent pas. Ils vont dire, maintenant, j'ai fait un achat. Pourquoi? Parce que c'est yad el biyad. Parce que c'est main à main, c'est pas en deux fois. Ou bien j'ai un chèque, tiens, prends le chèque, hein, le prix de la bague d'or, maintenant, ou bien de la gourmette ou quoi, je te donne 200 euros, tiens, tu le mets, et comme ça tu vas l'encaisser, dans 3 jours, il sera sur ton compte. C'est un exemple. Et ben ça, c'est haram, c'est pas yadan biyad. C'est pas yadan biyad, c'est un exemple. Donc les gens, s'ils savent pas comment ils vont faire. Et d'autres encore, beaucoup de choses. Les gens, ils vont saluer. Maintenant, il y a personne qui sait pas, elle veut rentrer, elle va saluer. Peut-être qu'elle sait pas qu'elle peut saluer que celui qui est à côté d'elle, alors qu'il y a une grande assise, il va peut-être commencer à faire le tour de tout le monde. Ils sont peut-être 50, il va serrer la main à tout le monde. Il y avait peut-être une assise, il y avait peut-être un cheikh qui faisait un dars, il va peut-être gêner tout le monde. Il ne sait pas qu'il pouvait dire juste salam et s'asseoir. Et que même si c'est pas obligé que tout le monde lui réponde. Et plein de choses comme ça. Ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête pas. Et beaucoup de choses. Hein, dans ce qu'on peut manger, dans ce qu'on ne peut pas manger, la nourriture qui est chaude, la nourriture qui est froide. Non. Donc regardez, il dit que la science, en fin de compte, on en a besoin tout le temps, tant que l'on respire. Tant, là, on comprend comme ça, tant que l'on respire. وقد قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أدوية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. Sourate Ra'd, verset 17. Sourate Ra'd, verset 17. فشبه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله بالماء الذي أنزله من السماء لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمصالح ومصالح العباد في معاشهم ومعاديهم. Non. Donc, comme j'ai dit, soit Ra'd, hein, le tonnerre, verset 17. فصارت أدوية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وهذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين يخالط القلوب بشاشته فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب كما يستخرج السيل من الوادي زبدا يعلو فوق الماء. Donc il dit سبحانه وتعالى. Il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallées servent de lit, selon leur grandeur. Le flot débordé a charrié une écume flottante et semblable à celle de l'écume provenant de ce que l'on porte à fusion dans le feu pour fabriquer les bijoux et ustensiles. Ainsi, Allah représente en vain, en rebut, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre. Ainsi, Allah propose les paraboles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a justement fait la comparaison avec ce qui a été descendu en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'eau qui descend du ciel, et que toute cette eau, hein, qui descend du ciel, est comparable justement, donc fait vivre et donne la vie et tout ce qui sera profitable aux serviteurs dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et aussi, il compare les cœurs avec les rivières. Un cœur qui est énorme. Et qui va quoi? Qui va pouvoir accepter une science qui est énorme, une grande science. Ainsi que, donc, il est comparé à quoi? À une grande rivière. Là, on voit que les rivières, elles sont différentes. Hein, lorsqu'on parle cette écume, lorsqu'on parle justement donc de ces rivières, hein, où on va retrouver donc ces vallées, ces rivières, on va retrouver, c'est selon leur grandeur. La rivière qui sera énorme, donc on va accepter l'eau on va accepter beaucoup d'eau. Donc ça sera une acceptation de beaucoup de science. Et le petit cœur qui va accepter donc un peu de science. Il y aura un petit cœur qui va accepter un peu de science, comme la petite rivière qui va accepter un petit peu d'eau. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc il dit Allah subhanahu. Donc le flot débordé a charrié une écume flottante. Le flot du hein, débordé a charrié quoi? Une écume flottante. Et cela est comparable, Allah subhanahu wa ta'ala la compare à la science lorsqu'elle est justement donc mélangée avec le cœur, donc bien sûr avec plaisir, avec bachacha, le fait que la personne fait ça avec désir, avec plaisir. Et qu'est-ce qui va ressortir de cela? C'est-à-dire que lorsque la science, regardez la comparaison, c'est que regardez le mathème qu'Allah donne, c'est que lorsque cette science entre dans le cœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève ce qui était mauvais auparavant. Donc elle va faire ressortir la surface comme l'écume, quoi? Et choubouhette, les ambiguïtés. Elles vont plus être à l'intérieur dans le cœur, elles vont plus être ancrées, elles sont ressorties en dehors. Elles sont comme cette écume qui est au-dessus de cette eau. Hein, elles sont comme cette écume qui est au-dessus de cette eau, qui étaient justement donc les ambiguïtés qui sont vaines et fausses. Et donc elles vont être au-dessus de ce cœur. Et bien sûr, donc, comme quoi? Comme justement l'écume, hein, cette écume qui sort au-dessus de cette eau, qui est dans cette rivière. Donc regardez la comparaison entre le cœur et la rivière. Regardez les comparaisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Wa akhbara subhanahu annahu rabin. Ay, yadfu ya'lu 'ala al-ma. Donc il montre que justement que cette chose-là va quoi? Ces choubouhettes, elles vont être au-dessus de l'eau. Hein, ces ambiguïtés, elles vont être au-dessus de l'eau. La yastaqirru fil ardi al-wadi. Elle ne va pas rester hein, donc stable. Elle ne sera pas raffermie, forte, dans le cœur justement de ce Oued. Faites attention justement pour ceux qui croient que il faut discuter avec tout Moubtadi'a connu ou toute secte. Dès que la personne elle voit un site, moi je suis dans la vérité, je vais aller, je vais leur parler. Ou dès qu'ils savent qu'il y a une personne, je vais aller l'embêter ou bien je vais lui parler. N'oubliez pas que c'est que votre cœur. Si il reçoit de certaines choubouettes, et s'il les accepte, il est possible que jamais ces choubouettes ne vont sortir de votre cœur. Il est possible que cette choubouette entre dans cette choubha entre dans votre cœur et n'y ressort jamais. Donc n'allez pas chercher le djidel avec les gens du Bartel. N'allez pas chercher, et spécialement si vous n'avez rien comme science. N'allez pas chercher le djidel avec les gens du faux. Non, il y avait une personne, donc c'était une sœur, qui croyait avoir de la science. C'est pour ça que les personnes doivent faire attention comment on zakki les gens, comment on va dire que les gens sont forts ou pas forts. Donc cette personne, en vérité, elle a cru qu'elle était au-dessus de ce qu'elle... Elle s'est crue largement au-dessus de ce qu'elle l'était. Je dis bien pas au-dessus, mais même largement au-dessus de ce qu'elle l'était. Donc c'était du rouleau à Akulehel. Et donc elle est partie chez un tekfili. Elle lui a dit c'est quoi le dalil? Elle n'avait pas de science. Donc le tekfili lui a dit ceci, lui avait dit cela. Elle s'est dit je vais faire la recherche. Elle a fait la recherche jusqu'à ce qu'elle devienne sa femme. Jusqu'au résultat, c'est qu'elle est devenue sa femme, et il a divorcé, et elle est sortie de l'islam. Donc voilà, Salafia, chef presque de la Salafia dans Paris, elle devient après Tekfiria, et après elle devient même sortie de la religion, c'est-à-dire la Toussalé, je ne sais même pas si c'est la Shahad. Donc à la Toussalé. Donc à la Khilaf, on va dire elle est sortie de l'islam. Elle ne porte pas la kafar. À la Khilaf, l'ulama, c'est qu'elle est sortie de l'islam par rapport, bien sûr, à ceux qui disent que Tariq Salat kafir. Si on prenait ce crawl, ça veut dire qu'elle est sortie de l'islam. Donc faites attention à vous. Faites attention à ces. Au fait d'avoir du rouleau, avoir du rouleau. Parmi les conditions qu'elle avait cette sœur, c'était que je veux me marier avec un talibim. Je veux me marier avec un talibim. Je veux qu'il laisse, je veux être seconde épouse. Je veux me marier avec un talibim. Je veux partir au Yémen ou n'importe où en Arabie ou ceci ou cela pour aller me marier. Donc elle cherchait justement autour des toulabul ilm, justement afin de se marier. Donc elle avait du rouleau dans tout. Ne poussez pas le bouchon. Ne poussez pas en tant que musulmane. Hein, je vous le dis, ne poussez pas le bouchon et ne cherchez pas l'impossible. Ou bien ne rêvez pas. C'est-à-dire, restez en vérité, la personne doit savoir qu'elle doit rester à sa place. Donc, regardez les résultats du rouleau. Parce que celui qui veut être au-dessus de sa religion, Allah, justement, c'est la religion qui va le battre. Celui qui décide de battre la religion, c'est la religion qui va le battre. Et le rouleau, sachez que le rouleau, là, c'est notre dîne. L'exagération ne fait pas partie de la religion. Donc, faites attention à cela. Faites quoi? Justement, attention à cela, parce que les choubouhettes, une fois qu'elles sont ancrées dans le cœur, wallah, elles ne sortent pas. Donc vous avez justement des exemples. Hein? Donc d'hier, c'était des personnes qui aimaient beaucoup Charles Bez et du jour au lendemain, elles disent que Charles Bez, c'est plus c'est pas un musulman. Donc imaginez-vous un peu les dégâts, subhanallah, qu'il y a eu dans le cœur de cette personne. Donc faites attention de ne pas ramasser et de ne pas croire qu'il faut discuter avec tout le monde, qu'il faut faire ceci. Moi, je vais lui dire, vous n'avez pas justement, des fois, la science suffisante. N'oubliez pas que les choubouettes, vous n'êtes pas prêts. Vous n'avez pas le niveau de pouvoir combattre justement les choubouettes des gens. Attention à cela. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Lorsque le Khawarij, ils se sont réunis et que qui est parti chez eux, le plus fort de tous les compagnons, hein, le plus fort de tous les compagnons dans le Tafsir, Abdallah ibn Abbas, on ne l'a pas envoyé à un autre. Pourtant, les autres, ils sont forts. Là, ils ont envoyé le meilleur. Ils ont envoyé justement Turjumal al-Qur'an, Ibn Abbas, pour le faire revenir. Ils n'ont pas envoyé les autres, pourtant ils étaient forts. Bien plus forts que nous, et de loin. Alors faites attention à cela. Qu'elle l'a dit, « كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطفت فلا يستخر فيه » فلا يستقر فيه بل تخفى وترمى ويستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس في الهدى ودين الحق كما يستقر في الوادي الماء الصافي يذهب الزبد جفاء وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون. Donc bien sûr, donc les choubouhat, les ambiguïtés qui sont vaines lorsqu'elles sortent, hein, lorsque la science les fait sortir. Donc vous voyez que il n'y a qu'une chose qui peut faire sortir les choubouhat, c'est la science. La seule chose qui peut expulser les choubouhat du cœur, c'est la science. Vous voulez que les choubouhat qui sont dans votre cœur soient expulsés, apprenez votre religion. Hein, et elles vont être éteintes. Elles vont être éteintes. Elles ne seront pas, justement, encore une fois, ancrées dans votre cœur. Donc elles vont même, donc, elles vont quoi? Elles vont sécher, hein, donc elles vont, c'est-à-dire disparaître, elles vont faner, et elles vont être jetées. Donc, et va rester dans le cœur, va rester ancré dans le cœur, ce qui va être profitable aux serviteurs, hein, d'Allah Azzawajal, donc de celui, c'est-à-dire de celui qui a cette science, avec bien sûr la guidée, la religion de vérité. Kama yastakiru fil wadi el ma'u safi. Comme ce qui reste stable dans cette rivière, c'est l'eau qui est propre, l'eau qui est pure. Wayadhabu zabadu jafa'an. Et aussi, donc, qu'est-ce qui part? C'est justement donc cette écume qui ne sert à rien, hein, donc elle va partir. Wamayakiru, et bien sûr, on ne va pas comprendre de la part d'Allah cette chose-là, ces exemples, que ceux qui savent. Ne va pas comprendre les exemples et les paraboles donnés par Allah subhanahu wa ta'ala que ceux qui savent. Thumma daraba subhanahu li dhalika mathalan akhar. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala cite dans un autre verset, toujours dans Sourate Ra'd, dans toujours le même verset, Afwan, il dit wa mimma yuqiduna 'alayhi fi an-nar ibtigha'a hilatin wa aw mata'in zabadun mithlu. Donc il dit, il donne l'exemple aussi, c'est semblable aussi donc à cette écume provenant de ce que l'on porte à fusion, hein, dans le feu pour fabriquer des bijoux et des ustensiles. C'est-à-dire que bien sûr, on sait bien que l'or ou le fer, hein, ou tous ces objets-là, hein, toutes ces matières-là, lorsqu'elles sont portées à fusion, toutes les impuretés, qu'est-ce qu'elles font? Elles disparaissent. Toutes les impuretés, elles vont disparaître. Et c'est comme ça que l'homme est testé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme aussi est testé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de la même façon que le feu est testé, que quoi, que l'or va être testé avec le feu, comme le disent donc certaines personnes. Hein, comme le disent certaines personnes, que l'homme est testé comme le feu est testé avec le feu. Comme l'or est testé avec le feu. Lorsqu'on met de l'or dans du feu, ou du fer, ou n'importe quel objet, hein, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va rester pur. Toutes les impuretés de cet or vont être brûlées, elles vont disparaître. Il n'y a que ce qui va rester pur qui va rester. Et c'est la même façon pour la personne. Allah teste, nous teste de cette même façon, c'est-à-dire par rapport aux épreuves, est-ce qu'on reste droit ou pas. Et donc le sens de ce verset, c'est que يعني أن مما يوقد عليه بن آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج منه خبثه وهو الزبد الذي يلقيه النار وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتها فإنه يكذف عفوا يكذف ويلقى به ويستقر الجوهر الخالص وحده. Donc, le fait de mettre justement cette. Donc, de placer en fusion, justement, de mettre cet or, hein, cet argent, ce fer, c'est-à-dire lorsqu'on va ressortir justement donc de ces produits-là, qu'est-ce qui va sortir? C'est le khabath, toutes les impuretés, hein, c'est justement qui est comparable aux abed, donc à cette écume, et qui va sortir, hein, qui va être sorti justement de ce cœur, si on parlait par rapport au cœur, et donc qui va rester. Il va rester qu'un cœur qui sera sain. Jawhar. Donc il va rester une matière saine, pure, propre. Et donc tout ce qui va rester, c'est justement c'est ça qui est moustakar. C'est ça qui est ancré et affirmé. Et quoi? Et raffermi. Et raffermi qui va être bien sûr pur et il sera seul. Donc il y aura que, la science fait que le cœur, en fin de compte, devient pur, seul. Sans ambiguïté et sans ambiguïté aucune. وضرب سبحانه مثلا بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة ومثلا بالنار لما فيها من الإضاءة والإشراق والإحراق فآيات القرآن تحيي القلوب كما تحيي الأرض بالماء وتحرق خبثها وشبهاتها وشهواتها وسخائمها كما تحرق النار ما يلقى فيها وتميز جيدها من زبادها كما تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحو ذلك ونحوه منه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné les exemples de l'eau, hein, donc qui est donc cette eau-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a comme donc elle va avoir justement comme caractéristique donc le fait d'avoir la vie, hein, de ramener la vie, le fait de rafraîchir, le fait d'être profitable. Comme aussi le feu, des fois Allah justement donne l'exemple, on a vu auparavant un exemple de l'eau. La science c'est l'eau. Et aussi Allah donne un exemple que la science c'est aussi le feu. Hein? Donc quand c'est l'eau, c'est qu'il va donner la vie, il va rafraîchir, hein? Et il va être profitable. Et lorsque c'est le feu, il va éclairer, il va illuminer, et il va quoi? Il va brûler. Il va brûler donc ce qui est mauvais. Il faut brûler ce qui est mauvais. Donc le Coran, regardez le Coran comment fait vivre. Regardez les versets du Coran, comment ils viennent faire vivre le cœur comme la terre, hein, justement, vit par rapport à l'eau. Et donc, elle va aussi brûler toutes ces impuretés, hein, et toutes ces ambiguïtés. Toutes ces impuretés et toutes ces ambiguïtés, comme elle brûle, le feu, bien sûr, brûle, hein, c'est-à-dire tout ce qui est. Il va comparer, donc va brûler tout ce qui est mauvais et va laisser tout ce qui est bon. C'est-à-dire aussi, si on brûlait maintenant, bien sûr, de l'or, de l'argent, hein, du fer et autres. فهذا بعض ما في هذا المثل العظيم من العبر والعلم. Et là on a vu juste quelques points que l'on peut ressortir parmi justement donc les bénéfices, hein, et les vertus que l'on ressort par rapport à la science. فقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Et voici les exemples que nous exposons aux gens et ne raisonnent que ceux qui savent. Ils vont le raisonner que ceux qui savent. Surat al-Ankabut, verset 43. Surat al-Ankabut, verset 43. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Donc ce sont les exemples que nous exposons aux gens et ne les raisonnent que ceux qui savent. العالمون, donc les savants. الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَثْلَاثُونَ. 33e point. هِدَايَةُ الْعِلْمِ مِنْ أَعْضَمِ الْهِدَايَةِ. La guidée de la science est parmi les guidées les plus illustres, les plus importantes. Ma fi sahihayn aydan min hadith Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala li Ali radiyallahu anhu la an yahdi bika Allah rajulan wahidan khayrun laka min humr an-ni'am min humr an-ni'am. Donc il dit subhanahu sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Donc il dit à Ali, radiallahu anhu, qu'Allah guide par ton billet un seul homme est meilleur pour toi qu'une chamelle rouge. Et lorsqu'on donnait l'exemple des meilleures montures, à l'époque on donnait l'exemple hein, donc de la chamelle rouge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait justement lui aussi une chamelle rouge. Et c'est le meilleur exemple qu'il y avait. C'était la plus belle chamelle. Donc c'est comme si maintenant on disait, imaginez-vous, une belle voiture, une grosse voiture, mathan, quelque chose de beau, hein, une bonne, donc une voiture qui coûte très cher, mathan. وهذا يدل على الفضل العلمي والتعليم. Et ça, c'est une preuve, encore une fois, claire et évidente, de, bien sûr, de la grande vertu et de la valeur de la science et de l'apprentissage. والشرفي منزلة أهله. Et aussi l'honorabilité et la haute place des savants. Et n'am, la haute place des savants. On n'appelle pas n'importe quel ministre, par exemple en Arabie Saoudite, Samahat al-Wadid. On appelle ça le Mufti. Hein, comme Cheikh Abdel Aziz al-Sheikh, et avant lui, Cheikh Ibn Baz, et avant lui, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Walid, le père, et n'am. Parce que c'était considéré comme le père à tout le monde, dans le sens où on revient à lui, c'est lui qui nous commande dans les choses religieuses, c'est vers lui qu'on revient. Il l'ordonne, nous on obéit. C'est le père, n'am. Samahat al-Walid. Hein, donc, que ce soit pour Mohammed ibn Ibrahim, rahmatullah, et même peut-être ceux qui étaient avant, pour Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, et pour le mufti actuel, Cheikh Abdel Aziz al-Sheikh, hafdhahullah azza wa jal. بحيث إذا احتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم أي هي خيارها وأشرفها عند أهلها. نعم. Donc comment justement que cela est meilleur par rapport à ce hadith, c'est que le fait que la personne va être guidée par un savant, donc une seule personne sera guidée par un savant, est meilleur que quoi? Que justement cette chamelle rouge, car la chamelle rouge est justement quoi? C'est la meilleure. Hein, c'est la plus honorable, c'est auprès des gens. La chamelle rouge, aux yeux des gens, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, quand tu es guidé en plus auprès d'un savant, auprès de quelqu'un de vérité, c'est encore mieux, il n'y a pas mieux. Donc c'est la vraie guidée. On ne parle pas d'aller sortir comme le font n'importe qui, comme le font ceux qui n'ont qu'une semaine d'islam et sortent dans les rues pour ramasser n'importe qui. C'est-à-dire ramasser les gens même s'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Au point où il est arrivé que ceux qui sortent comme ça sont partis parler à un groupe de trisomie. Hein, donc ils sont partis, ils ont vu un groupe de trisomie 21 qui sont sortis, hein, donc ils sortaient de leurs écoles, ils étaient à l'arrêt de bus, ils sont partis leur parler. Alors que ces gens-là, ils sont quoi? Ils sont exempts, ils sont pas notés. Allah justement, Rafa'anhum al-Kalam, Allah justement a levé la plume sur eux. Donc ils n'ont pas de péché ces gens-là, ils n'ont pas à être ordonnés de ceci ou de cela, parce qu'ils n'ont pas la raison. Et pourtant, ceux qui ne savent pas, ils partent justement leur parler. Alors qu'on sait qu'on parle aux uqala. On parle aux gens, hein, justement, on parle à ceux qui comprennent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré comment on fait da'wah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré comment on fait da'wah. Lorsqu'il parlait, il parlait donc des fois à un peuple. Donc un peuple qui venait, donc il les attendait. Il s'occupait bien d'eux. Hein, donc voire même il s'habillait de façon à accueillir par exemple ce peuple. Même des fois aussi, le wafd qui venait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un habit. Même Omar ibn Khattab a voulu acheter justement un habit pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mette cet habit lorsque les gens viennent de loin. Et aussi, donc, Sa'adat al-Qom, les chefs des tribus, étaient à ses yeux importants, parce que s'ils acceptaient l'islam, la tribu entière, des fois, suivait le chef, elle acceptait l'islam. Et d'autres, donc, bien sûr, donc l'enfant, ou la femme, ou l'homme, donc, c'était pas la même chose. Le pauvre, on sait que les esclaves, c'est-à-dire les femmes, donc les servantes, elles prenaient par la main le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elles les emmenaient là où elles voulaient, et lui, il se laissait faire. C'est un exemple. Donc, on vient faire da'wah aux gens. Comme il le sied, comme les gens justement doivent le recevoir. On ne va pas parler avec donc on ne va pas parler justement. Donc c'est pour ça qu'il faut, il faut quoi de la hikma, il faut de la sagesse, pas savoir que la dawa c'est comme ça. On ne va pas faire dawa n'importe comment. La preuve que ces gens-là sont partis voir des gens qui ne raisonnent pas. Donc c'est une preuve que c'est eux qui ne raisonnent pas à l'origine. Peut-être que ceux qui ne raisonnent pas raisonnent mieux qu'eux. Parce que comment on parle à des gens qui ne raisonnent pas? C'est pas possible. Comment c'est que vous êtes arrivé à ce point-là? À ce point-là parce que ils sont obligés de faire da'wah. Parce que les gens, ils sont obligés par jour de parler à 100 personnes. Et s'ils ne parlent pas à 100 personnes, ils parlent au lavabo. Non. Alors s'ils ont parlé à 75 personnes dans la journée, c'est compliqué, c'est pas facile de parler à 75 personnes. Il y en a qui vivent dans des villages, dans des petites villes. Eh bien, ils vont parler 25 fois au lavabo. Voilà, c'est vrai. Donc ça, c'est triste. C'est grave d'en arriver à ce point-là. D'en arriver à ce point-là parce qu'on leur a dit, tu dois faire 100 fois. Et lui, il est tellement borné, ils sont tellement pas intelligents, donc ils sont tellement bêtes. Qu'il s'arrête à ça, 100 fois. Et il s'imagine que si c'est 99 fois, Allah n'accepte pas. Pourtant, il a dit, prophète, il dit, Rajnan wahidan. Il n'a pas dit, parle 100 fois. Rajnan wahidan. Fais ce que tu peux. Eux, non, on leur a donné des chiffres. C'est toujours du roulou. C'est toujours, tous les chiffres, ils sont toujours loin. C'est toujours loin, 100 personnes par jour. C'est la vérité, hein, 100 personnes. Et s'ils n'ont pas parlé à 100 personnes, et qu'ils ont parlé à 25 personnes, donc ça sera même le lavabo, 75 fois. Et non, là c'est pour vous dire, subhanallah, parler à un lavabo. Hawla wa la quwwata illa billah. Donc vous voyez la différence entre la science et entre le djihad. Regardez la différence entre l'ilm ou le djihad. وهي دوك فما ظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس. Alors que dire de celui qui guide chaque jour un groupe de gens? Et non, il est là, c'est un shir, c'est un savant, il est assis. Donc alhamdoulillah, son ilm, donc il va aller partout, il va peut-être faire Majid Nabawi, il va faire, les gens vont venir au Hajj, en Omra, ils vont s'asseoir, ils vont aller à la Mektaba Saoutia, c'est-à-dire la Mektaba, parce que tous les durous sont enregistrés, ils vont les prendre. Et puis il y a des gens, peut-être après, ils vont faire un site de ce shir, comme Cheikh Lantemin ou d'autres. Leur sens, elle est partout. Il commence dans une petite mosquée, Cheikh Lantemin. À 50 ans, il y avait 2-3 personnes autour de lui. Il avait 50 ans d'âge. Nous, on a 20 ans moins que lui, on a déjà 150 personnes qui nous écoutent. Eux, ils étaient 20 fois plus forts que nous dans tous les domaines religieux, et pourtant, ils sont deux à l'écouter au départ. Et après, Mashallah, regardez. Allah, qu'est-ce qu'il fait d'eux? Il fait que toute la communauté, dans le monde entier, s'accroche à ses vêtements. S'ils viennent dans n'importe quel pays du monde, même ceux qui ne sont pas salafis, même ceux qui, à l'origine, n'aiment pas les gens de la sunna et du consensus, ils vont sauter dessus, ils vont sauter dessus rien pour qu'ils parlent dans leur mosquée. Et non, parce que ça, c'est le Kaboul Minallah. Ça, c'est quoi? C'est la guidée qui vient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, que dire de ces gens-là? Non. Que dire, justement, de la récompense de ceux qui font da'wah? De la récompense de ceux qui font da'wah, qui essayent, bi'idhnillah azza wa jal, de quoi? De ramener les gens à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wajhu rabi'u wa thalathun. 34e point, da'watu et la sunna. L'appel ou la prêche à la sunna. Da'wa et la sunna. Ça aussi, c'est important. Da'watu et la sunna. Marawa muslimun fi sahihihi min hadith Abi Hurayrata radiallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wa sallam qal man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا فأخبره أخبر سبحانه أخبر صلى الله عليه وسلم أن المنتسب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به والمنتسب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به لأن هذا بذل قدرته في هداية الناس وهذا بذل قدرته في ضلالهم فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui appelle à une guidée aura la récompense, comme la récompense de celui qui l'a suivi, c'est-à-dire celui qui l'a suivi, c'est-à-dire si vous guidez quelqu'un, si vous appelez, si vous montrez la guidée à quelqu'un, donc si vous montrez par exemple une sunna ou un bienfait de l'islam à quelqu'un, et que la personne le met en pratique, vous aurez la récompense de cette pratique de cette personne. Sans que, bien sûr, donc la récompense des deux soit enlevée. Ça ne sera pas une récompense qui soit partagée. Chacun aura la récompense pour lui-même complète. Et celui qui appelle à un égarement aura aussi le péché, c'est-à-dire de celui qui commet ce péché, cet égarement-là, sans que le péché de l'autre soit enlevé ou quoi que ce soit. Les deux auront leur péché qui seront complets. Naam. Donc, sallallahu alayhi wa sallam a montré que celui qui guide la personne vers le droit chemin, par son appel, aura la récompense de celui qui aura justement été guidé par cette personne. Bien sûr, cette personne n'est qu'une intermédiaire, c'est Allah azzawajal qui guide. Et donc, pourquoi? Parce que cette personne aura fait justement les efforts afin que la personne connaisse cette bien. Il lui aura donné tout ce qu'il peut. Donc il aura fait tout ce qu'il peut comme effort afin que la personne puisse connaître, comprendre et appliquer et mettre en œuvre justement ce bien. Et la même chose, bien sûr, pour le contraire, pour l'égarement. La personne aussi aura fait tout le possible pour que la personne sache comment on va faire justement, comment on va commettre ce mal. Comment on va connaître. Comment on va commettre ce mal. Vous savez que des fois, il y a des péchés, des grands péchés, qui ne se font pas du jour au lendemain. Ils se font parce qu'il y a eu des fois un apprentissage de ce grand péché. Donc il y a eu des gens qui leur ont appris comment on va commettre. Donc petit à petit, jusqu'à ce que les personnes deviennent professionnelles dans ces péchés-là. وهذه قاعدة الشريعة. Et ça, c'est la règle, bien sûr, de la législation. Kama huwa mazkurun fi ghayri hadha al-mawdi'. Et cela est retrouvé encore dans d'autres textes. Qala ta'ala, et subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Nahl, verset 25. Il dit dans surat al-Nahl, verset 25, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamati wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri 'ilm. Ala sa'a ma yasirun. Qu'ils portent donc, au jour de la résurrection, tous les fardeaux de leur propre œuvre, ainsi qu'une partie de fardeau de ceux qu'ils égarent, sans le savoir combien est mauvais le fardeau qu'ils portent. Lorsque là, donc, vous voyez qu'ils vont porter le fardeau, les leurs, et aussi ceux des autres. Et quand il dit Allah ici, donc une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent, parce que vous avez égaré peut-être la personne dans deux, trois choses, et lui, il a peut-être... Il a été gardé pas aussi par d'autres personnes peut-être. Donc c'est pour ça que Allah dit une partie de fardeau. Parce qu'il est possible que certains de ces égarements de la deuxième personne ne proviennent pas de toi à l'origine. Donc c'est pour ça qu'Allah a dit une partie des fardeaux. Mais par contre, tout ce que tu lui auras pris comme fardeau, comme haram, tu seras complètement rétribué dans le sens où tu auras complètement justement les péchés comme ce que la personne a fait. Sauf bien sûr si tu fais taouba. Si tu fais taouba, la taouba, elle va être selon la façon que tu as propagé. Si tu as propagé en cassette, donc ta taouba est en cassette. Si tu as propagé par dans une petite assise, ta taouba sera dans une petite assise. Selon, bien sûr, donc le type de propagation que tu as fait. وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقا لأنه قطع قطع وصل أجر من يحتدى بسنته إليه وهذا من أعظم معادته نعوذ بالله من الخذلان. Et cela est une preuve que celui qui appelle la communauté à autre que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc bien sûr est son ennemi évident. Ça sera un ennemi évident. Non, Ahlul Bida' ce sont les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna sha'niyaka huwa al-abtar. Inna sha'niyaka huwa al-abtar. C'est en plus ce quoi donc ce verset vient aussi pour Ahl al-Bida. Certes tes ennemis ne vont pas aller loin. Leur fin sera bientôt parce que c'est la sunna qui continue. Tandis que tous ceux qui font la bida sont ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils inventent quelque chose de l'islam qui n'est pas. Les prophètes détestent ça. Char al-umur. Les pires des choses ce sont les péchés. Muhdathatuha. Il dit ça sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il dit ça, il devient rouge, il s'énerve. Et il dit ça à qui? Il dit ça aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il n'y a aucun autre qui fait une bid'a. Hein? Il n'y a pas de bid'a. Ils disent ça entre eux alors qu'il n'y a pas de bid'a et il leur dit tout le temps, chaque Jumu'a. Tout le monde est là. Même ceux qui ne le voient pas peut-être pendant la semaine, qu'ils le voient très peu parce qu'ils sont fermés, ils habitent loin. Hein, ils habitent loin de la ville, ils ne viennent pas tout le temps. Et au moins, le minimum, au Jumu'a, ils le voyaient. Ils le disent à tout le monde. Au moment où il n'y a pas de bid'a, il devient rouge et il change son visage. Donc une dalil comme quoi que la bid'a, c'est grâce à. Parce que c'est un mensonge, c'est mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi je dis Mohamed il a dit ça. Hein? Saïd il vient et dit Mohamed il a dit ça. Mais Mohamed il a pas dit. Mohamed il sera content. Hein? Saïd il a dit que Amr il a dit ça. Ou bien Omar ou bien Abou Bakr. N'importe ça, n'importe quelle personne. Amr Zaïd. Hein? Zaïd il va venir et dire pourquoi tu parles sur moi, tu dis que moi j'ai dit ça alors que j'ai pas dit ça. Allez, venez, on fait une sixième prière. C'est le prophète qui l'a inventé. Imagine quelqu'un il vous dit ça. Venez, on fait ceci. Il serait là le prophète, mais il va l'accepter. Comment tu parles sur moi comme ça? Il ne va pas l'accepter. Comment? Hein? Il ne va pas l'accepter. Il va montrer que justement que ça c'est un égarement évident. Et donc comment justement, si nous déjà, des petites paroles qui ne sont peut-être même pas de religion, on ne l'accepte pas. Alors que dire de ceux qui proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala? Là où il y a quoi? Il y a le paradis ou l'enfer. On n'est pas au monde dunya. On n'est pas dans le monde dunya où peut-être c'est plus facile. C'est quoi? Donc où des fois c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple. C'est moins dangereux. Alors que dire, c'est parlant de la religion. Donc voilà, le khatar, khutwat al-bid'a, c'est justement déjà le fait que les gens ils vont se diviser, le fait que les gens ils vont faiblir. Et le fait que les gens n'auront pas la baraka qui se provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils deviennent les ennemis. Inna shaniyaka huwa al-abtar. Donc pourquoi? Parce qu'il leur a coupé la voie à quoi? À la récompense de celui qui guide à la guidée du prophète, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est pire. Parce que le prophète sallam, son but, c'est de guider les gens. Ça, là, bi-idhnillah. Hein? Donc, c'est un da'i. Ça, c'est le prophète. C'est un da'i. Et toi, tu viens, tu te dis que tu es un da'i, tu dis que tu es un successeur du prophète. Tu mens. Tu dis que tu fais partie de son équipe. Ça, là. Tu dis que tu fais partie de son entreprise. Et en vérité, tu n'as rien à voir. Tu n'as rien à voir avec lui parce que tu ramènes la bid'a et tu dis que tu fais la même chose que lui. Alors, comment il va accepter ça? Comment il va accepter ça dans ses rangs, dans les rangs de ceux qui sont héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut demander, bien sûr, protection à Allah contre cela. Je continue quand même. Il est 5h22. Mais je suis là. Inch'Allah. Je termine encore un point après ça. Al-Wajh al-Khamis wa thalathoun. Le 35e point, le ribta fil ilm. Donc le hasad. Le ribta, ça veut dire l'envie. L'envie dans la science. Le fait d'envier quelqu'un pour la science. Ma kharjahu fi sahihain min hadithi ibn Mas'ud radiallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la hasada illa fi ithnatain. رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله لحكمة الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Donc il est rapporté dans Al-Bukhari Muslim le hadith rapporté par Ibn Mas'ud qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pas d'envie que pour deux personnes, pas de jalousie, hein, que pour deux personnes. Ça c'est pas la jalousie bien sûr qui est interdite. Donc, pas de jalousie, mais que pour deux catégories de personnes. Un homme dont Allah a donné du bien, a donné des biens, de l'argent, et d'autres, et autre chose, donc des biens. Et quoi? Et lui, c'est lui, c'est lui qui est quoi? Qui est maître de ce bien. C'est pas le bien qui est maître de lui. C'est pas comme les gens dont c'est son argent qui est maître de cette personne. S'il donne un petit peu, ça va pas dans sa tête. Si son pécule arrive à telle somme, ça va pas dans il part bien, il me callak. Sa foi, elle est selon son portefeuille. Son portefeuille, c'est lui sa foi. C'est lui le baromètre de sa foi. Tandis que là, sallatahu, c'est lui qui est maître de ce bien. Ala halakatihi. Dans une dépense. Halakatihi. C'est-à-dire qu'il le dépense beaucoup. Halakatihi. Hein? Fil haq, dans la vérité. Dans la vérité. Donc il va peut-être construire une mosquée. Hein? Il va faire tout ce qui est khair. Il va donner aux pauvres, aux orphelins. Il va faire le khair comme il peut. Tous les types de biens qui existent, qui sont connus dans l'islam. Et un homme dont Allah a donné la sagesse, c'est-à-dire l'ilm, et lui, il juge. Il met en application et il juge avec cette science et l'enseigne aux gens. Il enseigne aux gens. Il juge avec cette science et l'enseigne aux gens. فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ لَا يَبْتَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْسُدَ أَحَدًا يَعْنِي حَسَدًا غِبْتَةٍ وَيَتَمَنَّى مِثْلَ حَالِهِ مِنْ غَيْرِهِ Donc Allah n'a pas, bien sûr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que il ne faut pas que les personnes jalousent les personnes. La personne, donc la jalousie c'est un grand péché. C'est un péché. Et la jalousie, elle fait brûler les hasanat comme le feu brûle les fagots. Sachez que le feu, quand on met du bois, il va disparaître après le bois à un moment donné. Ça, il va brûler. Donc il va il va se consumer. Et la jalousie consume de la même façon les hasanat. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Imaginez-vous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Le hasid miskin. Parce qu'il va être jalousé. T'es hasid de quoi? T'es jaloux de ce que Allah a décrété. C'est Allah qui a décidé que cette personne elle sera plus riche que toi. Elle sera plus belle que toi. Elle sera plus forte que toi. Elle aura plus de bien que toi. Elle aura plus de science que toi. C'est pas toi qui as décidé. C'est Allah qui aura décidé. Donc comme dit Ibn al-Qayyim rahmallah, il dit que le jaloux est ennemi d'Allah dans quatre points. Donc j'ai oublié les autres, mais j'en connais deux. Je sais qu'il y a quatre points. Et deux, c'est al-qada wa al-qadar. Al-qada et al-qadar. Donc il ne faut pas envier quelqu'un, c'est-à-dire la jalousie qui est donc déjà jalousie, c'est-à-dire dans le sens où je t'envie, j'ai envie d'avoir ce que tu as. Hein, mais par rapport à l'argent, et parce que tu fais du bien, parce que je veux faire les mêmes œuvres que toi, et parce que tu as la science et que tu juges dans le bien, et que j'ai envie de faire aussi la même chose que toi. Sans que j'ai aussi l'intention de quoi? De vouloir te concurrencer, de vouloir prendre ta place, de vouloir faire disparaître. Je voudrais bien. C'est pas la jalousie, parce qu'il y a des gens qui sont jaloux, dans le sens où ils ne veulent pas que tu aies ça. Ils ne veulent pas que tu l'aies. Mais ça va être dans moi. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Tu vas jamais changer. Mouktoum, mouktoum. Mais t'as rien chez. Donc c'est pas bien d'être jaloux, ça va être dans moi. Mouktoum. Donc. tu seras jaloux, mais sans avoir l'intention de quoi? Donc tu vas envier ces deux personnes, mais sans avoir l'intention de vouloir leur enlever, que cette ni'ama, cette grâce disparaisse en eux. Illa fi wahidatin min hatayn khaslatayn. Donc en plus il dit, Shir, que rahmatullah alayhi, qu'il est interdit de jalouser les gens ou d'envier les gens sur autre chose que cela. Il n'y a que deux choses. Je peux jalouser, envier, alors que ce que mon envie, elle est juste dans le fait que je voudrais avoir la même chose que eux, mais eux, je veux que ça continue chez eux aussi. Je veux pas que ça disparaisse chez eux. Que pour ces deux choses-là. Donc tu peux pas être jaloux sur autre chose. Sur quelqu'un qui a de l'argent, c'est tout. Mais il ne donne pas fisabilillah. Ou quelqu'un qui a du ilm, mais il ne fait pas profiter les gens. Non. Donc tu peux pas être jaloux pour eux, sur eux par rapport à cela. Et ça, c'est quoi? Regardez. Ces deux biens ont un lien. Ils ont un rapport, c'est-à-dire c'est la bienfaisance envers l'homme avec son argent et avec sa science. Donc physiquement et aussi mentalement. Hein, physiquement et aussi mentalement. وَمَا عَدَ هَذَنْ فَلَا يَنْبَغِي رِبْتَتُهُ وَلَا يَتَمَنَّ مِثْلَ حَالِهِ لِقِلَّةِ مَنْفَعَةِ النَّاسِ بِهِ. Et autre que cela, c'est pas la peine de chercher à avoir la même chose. Pourquoi? Et de chercher à avoir la même chose que même si tu décides pas que la chose disparaisse chez eux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bénéfices. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bénéfices dans autre chose, autre bienfait que si c'est une science qui est profitable ou si c'est un bien qui est aussi profitable. Un ilm, une science profitable et un bien profitable. Voilà les deux choses qui sont importantes. Le reste, c'est quoi? C'est pas important. Il n'y a pas de faïda. Il n'y aura pas beaucoup de faïda par rapport à cela. Donc, on a terminé pour ce qui est de ce dars de Hassan. Inch'Allah, on reprendra. Donc, après le Maghrib, qui est à quelle heure? On va dire à 18h30, Inch'Allah, à peu près. Donc, on reprend à 18h30, c'est-à-dire après le Maghrib. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته